derrière tous les écrans qui cachent nos ressemblances, tous ces petits gestes à soi qui nous redonnent confiance dans cette immense salle d'attente des futurs immédiats, où la vie court, on ne le sait toujours pas. C'est bien écrit sur le vinyle, mais on ne croise que des étrangers pressés. Pourtant, un jour, derrière nos lunettes noires, quelqu'un a souri, c'était sûrement un ami. À peine un regard, il a tout compris. Et c'est déjà la beauté, la clarté, l'harmonie de l'amour qui illumine en stand-by sur un quai avec ou sans berline. C'est toujours mieux d'être pris au sérieux tous les écrans qui cachent nos ressemblances, tous ces petits gestes à soi qui nous redonnent confiance dans cette immense salle d'attente des futurs immédiats, où la vie court, on ne le sait toujours pas. Destination de nulle part, embarquement immédiat, porte numéro 13.